On va parler de patinage de vitesse sur contre-piste. On va parler avec notre collaborateur de patinage de vitesse, David Simard. Salut, David. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, David. Avant de parler des résultats au niveau national, parce que tu les connais bien, toi, tu étais à Chicoutimi en fin de semaine et Olivier Collard de Saint-Félicien a quand même bien fait. Oui, une cinquième position dans le deuxième groupe masculin. Ça lui permet de monter dans le premier groupe. Il y a une mauvaise... peut-être qu'il a mal parti un petit peu sa première journée, mais il s'est bien pris dimanche pour remonter au cinquième rang. Donc, c'était une belle compétition pour lui. Mais la meilleure performance, c'était vraiment de Mélina Tremblay, qui est arrivée troisième au niveau du classement général. Un gros samedi. Elle a eu deux chutes dimanche, mais vu qu'elle avait eu un gros samedi, une belle compétition, mais ça lui a permis de se classer au troisième rang de la compétition. OK. Mélina Tremblay, je pense qu'elle vient de Saint-Félicien, je pense aussi. Hein? Oui, c'est la sœur Rosalie Tremblay, okay. Une fille qui est proche, qui a fait les mondiaux juniors. Oui. Son père entraîne justement le club de Saint-Félicien, Michel. Mm. Ça va lui permettre d'accumuler beaucoup de pointages. C'est un pointage important pour monter au niveau élite par la suite, okay. Après cette compétition-là. Fait que... Donc, il reste une compé à faire au niveau du pointage, puis présentement, il est quand même bien placé. On va sûrement passer au niveau élite. OK. Donc, dans le cas maintenant d'Olivier Collard, ça va lui donner quoi, lui? Olivier, c'est présentement sa cinquième position. C'est dommage, c'est ça. S'il aurait peut-être mieux performé samedi, ça, il aurait peut-être permis de monter dans le groupe 1 masculin. Présentement, il va rester dans le groupe 2, mais... à la prochaine compétition, là, ça va sûrement changer. Là. Il va sûrement être capable de bien se classer pour les championnats québécois. Lui, son objectif, c'est de se classer aux championnats québécois présent. OK. Donc, c'était deux compétitions qui étaient quand même importantes. Oui, bien ça, pour eux, le pointage est important. Il y a des pointages qui se pourraient aller au niveau élite dans le gros réseau de compétition au niveau du Québec. Donc, pour eux, là, c'est comme une pression de plus pour ceux qui sont dans le groupe 1 masculin. Fait que c'est ça. OK. Parlons maintenant de ce qui s'est passé à Montréal. Là. J'ai parlé avec François-Olivier Robert. Je sais que François, il a parlé plus de Marianne et de ceux-là qui connaissent plus. C'est ça. Sauf que nous, il y a également Maud Tremblay, il y a également Catherine Mailloux, il y a Léonie Bradette qui était là également, et Rosalie Tremblay. Est-ce qu'on peut qualifier quand même... Oui, là, ça, j'ai pas la feuille avec moi pour le ranking, mais si on prend la part d'exemple de Maud Tremblay qui fait sa première 27e. Participation... Et très bonne pour elle. Elle se classe autour de 27e. Ouais. C'est très bon pour elle, je pense, dans cette situation-là. Elle a eu un bon 1500 puis un bon 500 mètres, ce qui a permis de bien se classer. Elle était classée 22e, autour de 22-24e la première journée. Le dimanche, c'était plus difficile un peu dans le 1000 mètres, ça va plus rapidement. Donc, elle s'est quand même bien sortie là-dessus. Catherine Mailloux aussi. Je pense que c'était sa première participation. Ouais. Un petit peu derrière Maud. Catherine, c'est un petit peu sa vitesse présentement qu'il faut qu'elle travaille. Puis c'est ça qu'elle fait présentement avec son entraîneur. Donc, vers la fin de l'année, on devrait la voir sortir un petit peu plus. Léonie, elle, c'est une fille qui a été en commotion cérébrale. Ça fait depuis le début de l'année qu'elle a eu une commotion cet été. Dans le cas de Léonie Bradette maintenant. Donc, Léonie, une petite fille qui a eu une grosse commotion cérébrale durant l'été. Elle n'avait pas recommencé la compétition jusqu'à environ début décembre. Donc, pour elle, très bonne performance. Là, parmi une des quand même jeunes du groupe, c'est une classe autour de 22e, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, pour elle, c'est une très bonne première performance. Là. Personne ne s'attendait pas à ça, je pense, pour elle. Donc, c'est très bien pour sa situation, ouais, là, son point. OK. Chose, excusez-moi, dans le cas de Maud, je viens de parler à Maud Tremblay, puis elle m'a dit qu'il va y avoir peut-être des ajustements améliorés. Exemple, plus du côté des dépassements, plus de stratégie durant les dépassements. Ben, c'est ça. Maud, ce qui arrive, c'est que on tombe dans un niveau plus élevé. Maud avait des stratégies beaucoup de tirer des courses. Mm. Maud, c'est une fille qui aime beaucoup tirer les courses, contrôler les courses, mais jouer dans le trafic, elle avait plus de difficultés, puis ça fait longtemps. Fait que c'est sûr que dans rendu à un niveau supérieur, il faut la vitesse et le dépassement qu'il faut qu'elle améliore présentement, puis certains aspects techniques, mais pour une fille en secondaire 4, c'était la plus jeune un peu du groupe en fin de semaine, 14 à 15 ans. Donc, c'est très normal à son niveau d'être rendu là. Donc, déjà, quand elle fait déjà les sélections nationales, c'est déjà beaucoup pour elle. Oui, c'est ça. C'est assez jeune. Fait que il y a une autre fille de Montréal qui est un peu dans la même situation. Elle tourne avec assez classée aussi au même point de que Maud. Puis je pense que pour elle, c'est un très bon résultat. Mais oui, il y a des choses à travailler. Comme tout petit, même Charles Hamelin, il y a des choses à travailler. Ils sont pas dire. Même, ouais, ils oui, ont toutes. Même Marianne a des choses. Dans un sport, on n'est jamais à la perfection. On va tout encore chercher un dixième, un petit point technique de plus. Fait que c'est dans sa progression. Puis moi, en fin de semaine, j'étais à Chicoutimi pour coacher justement un peu plus la région qui était à la compétition-là. Maud, elle se faisait coacher par Marc Gagnon, justement. L'équipe à Marc Gagnon, en fait, l'Olympien. Fait que moi, j'ai eu un petit rapport là-dessus. Puis eux, c'est un peu de leur permettre de détecter des talents. Ouais. Fait que j'ai eu des très bons commentaires de leur part de elle. Là. Fait que... OK. Ben, David, prochaine compétition pour toi, est-ce qu'on va se parler, c'est quand? Là? J'ai la provinciale à la fin du mois, si je ne me trompe pas, début février. Okay. Après ça, à la mi-février, on a la dernière élite. Puis vers la fin, comme tous les autres sports, là, vers le mi-avril, là, on va avoir nos championnats juniors là, qui sont une grosse compétition d'envergure pour nos patineurs. OK. Ben, David Simard, gros merci. On s'en reparle très, très bientôt. Merci, au revoir. Collaborateur de patinage à vitesse, David.